Bike forcing, c'est que ça. Ok, allez. Alors, j'rappe. Depuis que mes frères se foutent en boule, depuis que ça grouille, depuis que les embrouilles s'amènent à l'heure où les tocards se bouffent. Camoufle la trouille, donc laisse la fouille aux disciples. Si je me dissipe pour un rien, donc mon père c'est anticipe. Prolifique, c'est du strict, c'est un bête de mirage. On ira. Derrière ce putain de virage, qu'est-ce qu'on dira? Sur la France, les habitudes, des bras cassés, des groupies. Pour certaines attitudes, pas lâcher mon hip-hop. Non. Double de patience, ton t'échange pour un top. Bah, j'oublie pas mon art et ma science. Okay. Rien que du solide, ici tout le monde est un vœtre. Loin des rêves, on oublie comme un mec où ça veut vivre. Les coups de crasse sur les murs, moi j'ai le coup de grâce sur les mots. Au lieu de t'encastrer, c'est sûr, je t'appelle CFUL, RAZI, du prolifique à l'état pur. C'est tout ce qu'on t'avait dit. Prends ton cure-dent, y'a que les emmerdes qui sont sauvés. J'suis encore là et toi, là à consommer. 1 RAZ, FUL, prolifique. Toi qui me donne des leçons, qui me parle pas, c'est que du sar production et caca. On te jette dans le sang et on te graille. Attention, tu te prends, nous gagne, quoi. Toi qui parle de prolifique, c'est politique, c'est prosélyte, c'est polémique. Non, fais pas de pronostic, on a le sang qui endort les flics. Rap monolithique, et c'est chaud quand on sort le pic. C'est pas de l'or les filles, on veut juste que nos scuds se plastifient. Et maintenant ça suffit, ou c'est la mort pour toi le gras du beat. Bon, il est temps que tu passes nos titres. C'est pas mon rap qui rend les gens pacifiques. Quoi, je suis pas la star ni même le scientifique. C'est les paroles du hack, nous robes et atypiques. Est-ce qu'on voit ces merdes qui modifient? Rien à foutre vos fraises, people. Et ouais, je veux pas que le diable touche mes œuvres. Pas dans la bonne ou pas d'épreuve. Qu'est-ce que tu parles, qu'il y a le mic dans la salle des deux. Toi tu captes le rap avec le yeux. Et ouais, y'en a qui parlent, qui suck. Mais non, maintenant je reviens et quand ça part, ça fait bush. Dans la BM ou dans la dush. Et c'est pour ça que c'est rush. N'oublie pas, c'est prolifique. Alors frère, quand c'est du casse-gueule, ce que tu fais, hein. Toi qui donne des leçons, qui parle pas, c'est que du sar production et gargale. On te jette dans le sang et on te graille. Attention, tu te les prends, nos gal.